Chapitre 3. On approchait de la Toussaint et toutes les clientes réclamaient leurs vêtements pour ce jour-là. Une activité pleine d'appréhension emplissait l'atelier. Madame d'Alignac nous distribuait l'ouvrage avec un front soucieux et les indications qu'elle donnait d'un air absent n'étaient pas toujours comprises. Berjounette, qui ne prenait plus le temps de regarder par la fenêtre, supportait mal les observations et, du retour, qui ne pouvait plus rire, se mettait à pleurer au moindre reproche. Bouledogue grognait et disait que nous faisions le travail de deux journées en une seule. Personne ne lui répondait, mais les mouvements nerveux augmentaient. Une bobine s'en allait rouler sous la table, ou une paire de ciseaux tombait avec bruit sur le parquet. Bouledogue n'arrivait jamais en retard à l'atelier, mais elle ne donnait jamais une minute en plus du temps qu'elle devait. À midi ou à 7 heures tapant, elle se levait de son tabouret, et si l'une de nous s'attardait pour finir quelques points, elle la regardait de travers et disait « Une journée de travail suffit !» Maintenant, elle était sans cesse de mauvaise humeur et rudoyait tout le monde. Madame d'Alignac essayait de la calmer. « Allons, Bouledogue, encore un peu de courage. Bientôt nous serons moins pressés. » Mais Bouledogue, au lieu de se calmer, se dressa et répondit très haut. « Si vous ne disiez pas toujours oui à vos clientes, elles seraient bien forcées d'attendre que leur robe soit faite. » Elle se rassit un peu tremblante et elle ajouta « Moi aussi je voudrais une robe neuve pour la Toussaint. Pourtant il faudra bien que je m'en passe. » Le patron ne savait pas non plus se retenir. Il se lança sur Bouledogue et lui cria en pleine figure « Ma femme est une sainte, entendez-vous » Et Bouledogue, qui n'était pas encore apaisé, répondit en le repoussant du coude « Je le sais bien. » Lorsque Bouledogue était en colère, sa voix semblait monter du plus profond d'elle-même. Elle résonnait sourdement et faisait penser à une cognée qui frappe un chêne. Le patron en restait intimidé, et Berjounette, qui ne craignait rien ni personne, se taisait dans ces moments-là. Le lendemain de ce jour, Sandrine ne vint pas. Madame d'Alignac s'aperçut tout de suite qu'elle n'était pas à sa place. Et comme aucune de nous ne connaissait la cause de son absence, elle parla d'envoyer quelqu'un chez elle, craignant qu'elle ne fût malade. La grande Berjounette posait déjà son tablier, mais le patron lui appuya fortement sur l'épaule pour la faire tenir tranquille. « Cette Berjounette, disait-il, elle a toujours un pied en l'air pour courir dehors. » Il croyait, lui, que Sandrine était seulement en retard et qu'elle allait arriver d'un instant à l'autre. La crainte que Sandrine ne fût malade me vint à moi aussi. Depuis 2 jours, elle avait un gros rhume, et la veille au soir, en rentrant sous la pluie, elle avait eu beaucoup de peine à remonter l'avenue avec son paquet d'ouvrages qui n'était cependant pas lourd. Je voulais dire cela à Madame d'Alignac, mais la petite du retour racontait qu'elle avait failli manquer aussi parce que son fiancé avait voulu la quitter. Sa voix était pleine de rire et le patron eut une moquerie apitoyée en forçant son accent. « Au moins, ce pauvre petite, vous l'avez retenu, cet homme ?» Il est aussi entêté que moi, disait du retour. Il voulait se promener sur l'avenue du Maine, et moi je voulais aller sur le boulevard Montparnasse. Alors il s'est fâché. Il a retiré son bras de ma taille, et il s'en est allé à grandes enjambées. Et vous avez couru derrière lui comme un petit chien, dit encore le patron. Oh non, répondit du retour. Quand j'ai vu qu'il partait pour de vrai, j'ai perdu la tête et j'ai crié « Au voleur !» Personne n'avait envie de rire. On pensait à Sandrine et au travail pressé, et du retour n'osa pas dire la fin de son histoire. Sandrine arriva au moment où tout le monde avait cessé de penser à elle. Elle venait demander la permission de se reposer tout le jour. Elle s'excusa en disant qu'elle avait la fièvre et qu'il lui était impossible de travailler. Ses yeux étaient brillants et ses lèvres rouges, mais son visage paraissait très diminué. Presque aussitôt, elle eut une quinte de toux. On eût dit qu'elle avait quelque chose de fêlé dans la gorge, et du retour lui cria « Arrêtez-vous donc, vous toussez comme un vieux bonhomme !» Sandrine se mit à rire à travers sa toux, puis elle dit en frappant sa poitrine de son poing fermé « C'est la première fois qu'un rhume me fait aussi mal. » Dès qu'elle fut partie, Madame d'Alignac parut s'inquiéter à son sujet, et le patron grommela « Il ne manquerait plus que ça qu'elle soit malade. » Le lendemain, elle manqua encore, et du retour, qui était allé aux nouvelles, rapporta que la fièvre avait augmenté et que Sandrine était incapable de se lever. Le regard de madame d'Alignac se fixa un long moment sur ses robes à moitié faites qui s'étalaient partout. Et le patron parlait déjà de prendre une nouvelle ouvrière pour remplacer Sandrine. Sa femme l'empêcha de s'agiter davantage en disant « Je travaillerai tous les soirs jusqu'à minuit, voilà tout !» Elle ajouta d'un air un peu gêné en se tournant vers nous. « Si l'une de vous a envie d'en faire autant, nous veillerons ensemble. » Personne ne répondit. Mais le soir, comme 9 heures sonnait, Bergounette arriva en même temps que moi. Et presque aussitôt, Bulldog entra à son tour. Le patron fut grandement surpris en les voyant. Il ne pouvait pas croire qu'elle voulût veiller aussi. « Oh, c'est pour Sandrine !» répondit Bulldog de son air mal gracieux. Et chacune se mit à travailler en silence. Le patron avait pris un coin de la table. Il dessinait une garniture de broderie pour un manteau, et quoique son fusain se cassât souvent dans ses doigts, il ne s'impatientait pas comme d'habitude. Les veillées suivantes furent plus animées. Bulldog et le patron se chamaillaient, ou bien Bergounette se plaignait de la vie insupportable qu'elle menait dans son ménage. Les plaintes de Bergounette avaient toujours quelque chose de si comique que personne ne la prenait en pitié. Même le matin où elle était arrivée avec un œil meurtri et la joue saignante, tout le monde s'était mis à rire en lui voyant prendre un air drôlement triste pour dire « Si mon mari ne me battait pas, je serais la plus heureuse des femmes !» À coudre tranquillement sous la lampe, elle finissait par oublier ses ennuis, et l'éveillé ne s'achevait pas sans qu'elle ait longuement parlé de la mer et de sa Bretagne. Elle répétait souvent les mêmes choses, mais on ne se lassait pas de les entendre, et c'était comme si elle eût recommencé une très belle chanson lorsqu'elle disait « La mer est comme un être aveugle et sourd, dont la puissance et la force n'auraient pas de limite. Elle hurle, elle frappe, elle broie, et ses vagues, lancées comme des cavaliers fous le long des côtes, les déchirent et les émiettent sans fin. » Bulldog grondait avec un peu de crainte. « C'est une mauvaise bête que la mer !» Mais Bergerounette reprenait vite. Il y a des jours où elle est si paisible et si molle qu'on a envie de s'étendre sur elle pour dormir longtemps. Puis, sans qu'on sache pourquoi, elle se met tout à coup à danser sous le soleil. On dirait qu'elle balance les plis de sa robe, et les vagues, pleines d'écume, lui font comme une multitude de jupons blancs. Nous l'écoutions, et personne n'eût osé l'interrompre quand elle récitait, comme une litanie, les noms des barques et des pêcheurs du petit port où elle était née. Notre-Dame de Souffrance à Locmaël, la Volante au Gaturbé, le Forban au Vieux Guiscriff. Le soir où elle parla des filets de pêche qui séchaient au bout des mâts et qui flottaient, plus fins et plus légers qu'un voile de mariée, elle assura fermement. Il y en a qui sont bleus comme la robe de la Vierge Marie les jours de mai. Le lendemain de la Toussaint, je ne trouvais pas mes compagnes à l'atelier. Elles étaient au cimetière, et le patron me demanda pourquoi je n'y allais pas aussi. Il pleuvait, et je répondis que j'aimais mieux travailler que d'aller me promener par le vilain temps. Il cria comme s'il se fâchait. « Ce n'est pas une promenade, c'est une visite à nos morts !» Un peu de gaieté me vint à le voir si furieux, et je repris en riant. « Oui, mais moi, je n'ai pas de mort !» Il me regarda comme si je venais de lui dire une chose extraordinaire. Et il sortit aussitôt pour se rendre lui-même au cimetière. Madame d'Alignac cousait déjà à la place de Sandrine. C'était la première fois que je me trouvais seule avec elle. Elle me regarda de la même manière que le patron avant de dire « Vous avez de la chance de ne pas avoir de mort. »« C'est que je n'ai pas de vivant non plus, » dis-je. Elle s'arrêta de coudre avec un air d'étonnement très marqué, puis elle eut un mouvement des lèvres comme pour me poser une question. Et enfin, elle dit un peu vite « Lorsque vous êtes venu ici, je vous croyais aussi jeune que du retour, mais par la suite j'ai bien vu que vous aviez dépassé 20 ans. » Elle se tut, et il me sembla qu'une sorte de gêne l'empêchait de me regarder, lorsqu'elle me demanda un instant après « Vous habitez seule ?»« Oui, madame. » Elle se tut encore. Ma réponse parut augmenter sa gêne. Cependant, elle reprit d'un ton enjoué. « Vous avez bien un amoureux ?» « Non, madame. » Elle rougit en se reprenant. « Je veux dire un fiancé, enfin quelqu'un qui vous aime. » Je ne sais pas pourquoi je pensais à Sandrine et à son Jacques, et je répondis nettement encore. « Non, madame. » mais au même instant ma pensée me montra un vieux visage affectueux, et je me repris à mon tour. « Si, pourtant, il y a Mademoiselle Herminie qui m'aime. » Et devant l'attention de Madame d'Alignac, je me hâtai d'expliquer. « C'est une très vieille voisine à qui je rends quelques petits services et qui me récompense en me racontant des histoires. » Madame d'Alignac sourit avec satisfaction. « Vous avez là une bonne grand-mère ? » La vérité était si différente que je répliquai aussitôt. « Oh non, elle est bien plutôt mon petit enfant. » Un silence se fit, puis, comme si Madame d'Alignac avait de la peine à le supporter, elle leva la tête et nos yeux se rencontrèrent. Les siens se baissèrent les premiers, mais il me sembla qu'ils avaient la même expression que ceux de Sandrine et qu'ils venaient aussi de m'offrir quelque chose. Le patron revint vers le milieu de la matinée. Il ramenait Sandrine, qu'il avait rencontrée dans une allée du cimetière. Elle était essoufflée et ses vêtements gardaient une odeur de terre humide. Elle s'assit en disant d'un air las. Les tombes sont toutes trempées de pluie. » Madame d'Alignac la gronda doucement. « Puisque vous êtes malade, vous n'auriez pas dû sortir par ce vilain temps. » Sandrine se récria. « Mais je ne suis pas malade, je suis seulement enrhumée. » Et ses yeux noirs avaient comme une inquiétude quand elle répéta. « Je ne suis pas malade, je vous assure. » Madame d'Alignac lui sourit pour la rassurer. « Nous le savons bien, dit-elle, mais vous auriez pu aller au cimetière un autre jour. » Elle ajouta comme si elle n'attachait aucune importance à tout cela. « Les cimetières ne s'envolent pas et les morts ont le temps d'attendre. » Sandrine dit presque aussitôt. « Demain, je reviens travailler. » Elle voulut dire autre chose, mais sa voix devint rauque avant qu'elle n'eût achevé le premier mot, et elle fut prise d'une quinte de toux. Elle toussait par à-coups avec une sorte d'impatience. Elle aspirait fortement et faisait de violents efforts pour tâcher d'arracher de sa poitrine une chose qui paraissait y avoir pris de profondes racines. Sa toux avait toujours les mêmes sons, creux et fêlés, mais aujourd'hui, elle semblait remuer une chose épaisse et mouvante qui restait accrochée au fond. Elle fut obligée de s'asseoir, et son visage devint tout blanc, et la sueur lui coula sur le front. Elle fit encore un effort pour tousser. Il y eut dans sa gorge un claquement sec, comme lorsqu'on vient de casser un fil solide. Puis elle se frappa la poitrine de son poing fermé comme la première fois, et elle dit en riant « Il faudra bien que je me débarrasse de ce rhume. » Elle remonta sa mante qui glissait de ses épaules, et elle partit en toussant de nouveau. Son départ laissa un malaise. Le patron restait debout sans parler, et Madame d'Alignac, qui tenait les mains à plat sur son ouvrage, dit tout à coup « Il y a des rhumes qui font mourir. » Le patron resserra sa veste sur sa poitrine, comme s'il sentait brusquement venir le froid. Puis il attira son tabouret très près de sa femme, et le silence revint. Les jours qui suivirent, Sandrine toussait beaucoup moins. Cependant, son souffle restait court et plein de rudesse, et sa toux semblait toujours accrocher quelque chose dans sa poitrine. De temps en temps, le patron lui demandait d'un air gai. « Cela va, Sandrine ?» Et Sandrine répondait du même air gai en imitant l'accent du patron. « Cela va bien. » À présent, l'atelier était tranquille. La table à ouvrage laissait voir ses fils de toutes les couleurs, et la corbeille, pleine de tresses et d'agrafes, était bien en ordre. On n'entendait plus les exclamations d'impatience, ni les mots d'énervement quand il s'agissait de retrouver une dentelle ou une doublure tombée sous la table, et que l'une de nous foulait aux pieds sans les voir. Le patron ne heurtait plus les mannequins en passant d'une pièce à l'autre, et Madame d'Alignac avait son visage reposé, si agréable à regarder. Tout le monde écoutait lorsque Bergounette chantait ou racontait une histoire. Elle avait une voix très voilée, et ses notes hautes faisaient penser à un mauvais sifflet. Mais ses notes graves étaient pleines et très douces à l'oreille. Elle parlait avec facilité et ne pouvait souffrir les mots malsonnants. Quand l'une de nous cherchait à savoir si un mot était français ou non, elle affirmait avec autorité. « Je le sais, moi, j'ai mon brevet. » Bulldog ne savait pas tourner ses phrases comme Bergounette. Elle jetait les mots comme on jette une pierre, et il semblait toujours qu'elle allait démolir quelque chose. Elle chantait rarement, quoique sa voix fût plus belle que celle de Bergounette. Depuis qu'on était moins pressé, elle était moins grognon, et un jour elle dit « Il faudrait que le travail soit toujours réglé ainsi. » Madame d'Alignac s'approcha. « Je le voudrais comme vous, dit-elle, mais si j'avais renvoyé les clientes, nous n'aurions plus rien à faire maintenant, et je serais forcée de vous renvoyer aussi. » Bulldog se renfrogna, puis elle reprit. « Puisque nous travaillons davantage dans les moments pressés, nous méritons de gagner davantage. » Madame Dalignac remua la tête comme lorsqu'on sait une chose impossible, et Berjounette se moqua. « Tu voudrais faire une révolution, peut-être ?» Bulldog découvrit ses dents et sa voix roula un peu pour répondre. « Le travail ne devrait jamais être une peine ?» Je savais que Madame Dalignac était sans défense contre les exigences de ses clientes et que réclamer le prix de ses façons était, pour elle, un gros ennui. Mais ce que venait de dire Bulldog me paraissait si juste que je m'apprêtais à lui donner raison lorsque Berjounette me devança. « Voilà celle-ci qui va prêcher maintenant. » Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait ce reproche. Aussi, j'en restais confuse et je me contentais de regarder Madame Dalignac. Le patron n'aimait pas les discussions. Il détourna les idées en demandant à Berjounette une chanson de son pays. Et Berjounette, qui continuait à se moquer, chanta une très vieille chanson dont elle avait souvent fredonné l'air. « Dans le bon vieux temps, me dit souvent ma grand-mère, dans le bon vieux temps, le jupon durait 100 ans. » Cela fit rire tout le monde. Mais Madame Dalignac reprit vite son air soucieux. Elle me fixa à son tour et dit comme si elle répondait à un reproche. « Ma peine est semblable à la vôtre, et ma part d'argent est souvent la plus petite. » Elle fit à reculons les 3 pas qui la séparaient de sa table de coupe, sans cesser de me regarder, et Berjounette commença un autre couplet de sa chanson.